Radio Mont-Blanc, l'agenda. Je vous emmène ce matin à Thonon pour Toc en Chablais qui revient du 8 au 12 octobre. Donc ça commence ce mercredi pour une nouvelle édition Autant Saveur. Cette année, embarquez pour un voyage sensoriel direction Capri, perle de l'Italie. Laissez-vous séduire par la richesse et la gastronomie italienne. Nouveauté en plus, le festival accueillera une pizzeria géante en plein air où petits et grands sont invités à enfiler le tablier et à créer votre propre pizza. Le festival propose aussi une riche palette de cours de cuisine, d'ateliers barista, œnologie, mixologie, sans oublier les découvertes autour du whisky et du cognac, évidemment à consommer avec modération. L'occasion idéale pour apprendre et partager des moments sympathiques. Toc en Chablais, c'est aussi l'occasion de tester l'expérience unique d'Higher is the Sky au-dessus du Léman. Programme sur tocenchablais.com. On file à Albertville, on passe de l'autre côté. La troisième édition du Salon Habitat Déco d'Albertville revient ce week-end du 10 au 12 octobre à la Halle Olympique. Plus de 110 exposants réunis sous un même toit, prêts à partager leur savoir-faire, leurs conseils et leurs nouveautés pour vous, que vous soyez en pleine construction, rénovation, simplement en quête d'idées pour la maison, vous trouverez ici de quoi concrétiser vos projets. Cet événement est l'occasion parfaite pour rencontrer des professionnels, comparer les offres, donner vie à vos envies. Vous êtes attendus nombreux pour vivre un moment d'inspiration et d'échange. Radio Mont-Blanc est ravie d'ailleurs de vous y inviter. Pour tenter de gagner vos invitations, vous envoyez Habitat sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc. C'est au 04 50 58 24 47.